De l'abbé Bélière à Thérèse, Langrune, 21 juillet 1897. À ma chère sœur Thérèse, ma bonne et bien chère petite sœur, j'ai gagné, oh combien ça a été facile, j'ai votre photographie, désormais vous vivez dans ma pensée, après avoir, seulement jusqu'à présent, vécu dans mon cœur. Je m'exprime mal, essayez de comprendre cependant que vos lettres, votre pensée même, prend un corps, une forme, ce n'est plus rigoureusement abstrait, c'est vous maintenant. J'avais bien essayé de constituer vos traits dans mon imagination, je dois vous dire que je n'étais pas trop éloigné de la réalité, au moins quant à l'ensemble, de sorte qu'en vous voyant pour la première fois, je vous ai comme reconnu. Malgré que vous ayez pris votre grand air, ainsi que vous dites, ma chère sœur, je vous ai trouvé, comme je vous connaissais, fort bien d'ailleurs, bien bonne, bien aimante et, mais oui, souriante, quoi que vous disiez. Merci de la condescendance avec laquelle vous m'avez donné cette joie de vous posséder presque réellement près de moi, avec moi toujours. Que sera-ce donc quand votre âme m'animera ses traits, souriant à la mienne, et vivant de sa vie, ce sera déjà le paradis, et trouverai-je encore, vraiment, le moyen d'être malheureux? Quelle souffrance possible quand un coin du ciel illumine toute une vie! Mais, savez-vous, j'ai peur que Jésus ne vous raconte toutes les peines que je lui ai faites, toute ma misère et que votre tendresse ne se refroidisse. Si vous saviez combien je suis misérable, si cela devait être, dès les premiers mots fermez-lui la bouche et venez, car sans vous, je ne tiens pas debout. Mais qu'est-ce que je lis au bas de votre portrait? Le Seigneur a commandé à son ange de veiller sur vous et de vous garder dans toutes vos voies. Vive Dieu! Je respire. Vous me resterez, c'est forcé, c'est l'ordre de Dieu. Vous allez donc embarquer avec moi pour l'Afrique, au noviciat d'abord. Vous savez ce qu'on y fait, vous y serez mon pilote, pilote aimé. J'ai ta devise écrite sur ma voile, vivre d'amour, et dans 3 ans, nous partirons pour le désert, nous serons missionnaires. Là vous vous retrouverez dans votre élément. La souffrance ne manquera pas, mais je serai votre représentant alors, puisque vous ne souffrirez plus, et vous ne savez pas si vous pourrez vous habituer au ciel, ma brave petite sœur, parce qu'on n'y souffre pas. Dédommagez-vous sur moi, si j'en deviens digne, obtenez-moi la souffrance, dans l'amour, afin que je sois éloigné de vous le moins possible, au ciel, au dernier jour. Je remercie Jésus qui veut bien vous conserver encore pour nous, oui, vraiment comme il nous aime. Je l'ai prié bien fort, j'ai réclamé, j'ai crié, il s'est laissé vaincre par notre douleur et nos larmes, j'étais résigné cependant. Au premier moment c'était l'impétuosité de la douleur s'exhalant ou le calme est venu ensuite, j'ai enfin pensé comme vous, oui. Il est utile que vous partiez, et d'ailleurs vous serez plus près de moi. Mais voici, votre présence, votre action du moins, ne sera plus sensible, comme maintenant, et moi, peu habitué aux choses surnaturelles, je ne sais me faire une idée que vous serez plus réellement présente à mon action. N'importe, je ne récrimine plus, je suis prêt à votre départ. Peut-être aussi est-ce parce qu'il semble moins imminent, puisque vous vivez encore, vous êtes heureuse, chère sœur, de me voir entrer dans l'amour par la confiance. Je crois avec vous que c'est la seule voie qui me puisse conduire au port. Dans mes rapports avec les hommes, je n'ai rien fait par crainte, je n'ai jamais pu obéir à la violence, les punitions de mes professeurs me laissaient froid, tandis que des reproches donnés, avec affection et douceur, me tiraient des larmes, amenaient des excuses et des promesses que je tenais ordinairement. Il en est presque de même avec Dieu. Si on me montrait Dieu irrité, la main toujours armée, pour frapper, je prenais du découragement et ne faisais rien, mais si je vois Jésus, attendant, patiemment mon retour à lui, m'accordant une nouvelle grâce, après que je lui ai demandé pardon d'une nouvelle faute, je suis vaincu et je remonte en selle. Maintenant ce qui me retient quelquefois, ce n'est pas Jésus, c'est moi-même, j'ai honte de moi et au lieu de me jeter dans les bras de cet ami, j'ose à peine me traîner à ses pieds. Souvent, un premier élan m'entraîne dans ses bras, mais je m'arrête soudain, à la vue de ma misère et je n'ose, et je tords, dites, petite sœur. Je crois que le cœur divin est bien plus attristé des mille petites lâchetés, indélicatesses que ses amis lui font que des fautes même graves qui échappent à la nature. Vous me comprenez, et vous me rendrez généreux, irréprochable envers Jésus, que j'ai à un aussi haut degré au moins, pour Jésus, le point d'honneur que j'ai vis-à-vis des hommes. Vous me parlez, chère sœur, de la mère Agnès de Jésus. Votre sœur aussi selon la nature, son souvenir s'associe souvent au vôtre dans mes prières, car je n'oublie pas ce que je lui dois, dites-lui un cordial merci en mon nom. Je priais avec d'autant plus d'amour que je savais le lien qui vous unissait à elle. Écoutez ma confession, c'est par vous et votre famille que j'ai su qu'il y avait un Carmel à Lisieux, de mes confrères de Lisieux, parlait un jour, entre eux, d'une famille Martin, qui avait donné trois filles au Carmel, et des parentes plus éloignées. L'une des filles y était entrée à 15 ans, une autre après avoir soigné d'une façon admirable jusqu'à la fin l'heureux père. J'étais présent, et plus tard quand je songeais à demander une sœur au Carmel, cherchant où je pourrais m'adresser. Je me rappelais qu'il y avait un Carmel à Lisieux, et voyez la coïncidence. Votre sœur me reçoit et c'est vous, dont j'avais seul entendu parler, qui m'êtes donné. Quand je reçus vos dates je fus frappé du rapprochement et tiré des conclusions. Me suis-je trompé? N'êtes-vous pas celle que dans le monde on appelait Mademoiselle Geneviève Martin? Je vous demande pardon de mon indiscrétion. Mais vous m'avez appris à n'avoir rien de caché. Voilà, encore une fois, quand même, pardon. À bientôt, chère petite sœur, de vos nouvelles. Si vous voyez combien j'en suis heureux, pourtant, je ne le serai plus. Si je savais que cela dût vous fatiguer, n'écoutez pas que votre affection, à jamais, de tout cœur, je suis. Chère et bien chère petite sœur, votre frère bienheureux Maurice B. Marc M. Dan, archive.org. D'après archive Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.